La tasse du week-end. Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Bonjour, bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Oula, ma voix a bugué. Hein. Soyez les bienvenus dans la case du week-end qui est de retour. Moi, j'avais prévenu hein, depuis l'année dernière avec les études, c'est un petit peu compliqué de tenir le rythme d'une aussi grosse émission que la case du week-end, mais elle est là ponctuellement, mais elle essaie d'être là le plus souvent possible. Je suis tout seul aujourd'hui puisque Xavier, Matt et Adam sont occupés, ça arrive assez régulièrement. Eux aussi sont bien pris par les études, d'où leur présence malheureusement impossible toutes les semaines. Mais la case du week-end est là pour vous accompagner avec une chronique économique tout à l'heure à 10h23. Il y aura eh bien les sorties cinéma dans quelques minutes, juste après une première musique, donc dans 4 minutes à peu près. Et puis voici ce que nous allons écouter niveau musique. On commencera avec un petit Vianney. C'est les imbéciles, oui, mais heureux décidément. C'est pas dit dans les magazines, pourtant. Puis nous continuerons avec un petit Imagine Dragons Enemy. Car je cours à contre-courant. Alors non, j'ai sauté une ligne de mon conducteur, on écoutera avant tout Soprano avec Forest. D'être qui je suis. Oui, je cours. Imagine Dragon, ça sera un petit peu plus tard dans l'émission avant 11h. Un classique musical, puisque vous le savez, on écoute toutes les heures des grands titres que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie. On écoutera Véronique Sanson avec Besoin de personne. Besoin de personne. Quand il est venu. Soyez les bienvenus sur Radio Antigone donc, merci de nous écouter, on est ensemble jusqu'à midi et on commence cette émission avec Lord, extrait de l'album sorti en 2013 qui se nomme Pure Héroïne. Voici 400 lux, ça fait pas beaucoup niveau luminosité étant donné que je viens d'avoir les cours justement sur tout ça. Allez, on écoute tout de suite Lord. Sans luxe, c'était Lord pour commencer en douceur cette case du week-end. Les sorties jeux vidéo. On n'est pas le bon jingle, mais ce n'est pas grave, puisque ce sont aujourd'hui, comme chaque dimanche, les sorties cinéma. Et commençons avec une comédie française qui sortira en salle ce mercredi. Elle se nomme Plancha. Et eh bien, 8 ans ont passé depuis Barbecue pour les personnages de ce film. Et cette année, ils se réjouissaient de fêter les 50 ans d'Yves. Ça devait se passer en Grèce, mais ça sera finalement dans le manoir familial d'Yves en Bretagne. Une météo tempétueuse va mettre les nerfs du groupe d'amis à rude épreuve. Et puis surtout, l'anniversaire d'Yves va être l'occasion de révélations inattendues. Une comédie avec Lambert Wilson, Franck Dubosc et Guillaume de Tonquédec notamment. Un film de et par Éric Laven, c'est en salle dès ce mercredi. Autre film en salle mercredi, Mascarade, comédie dramatique de 2h14, réalisé par Nicolas Bedos avec Pierre Ninet, Isabelle Adjani et François Cluzet. Film qui raconte l'histoire d'un jeune gigolo qui tombe sous le charme d'une sublime arnaqueuse, le début d'un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d'Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s'offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d'une ancienne gloire du cinéma ou d'un agent immobilier? Entre crime, passion et trahison, eh bien Nicolas Bedos, selon Allociné, a décidé de tourner en dérision le monde cruel de l'argent roi et nous livre une nouvelle fresque sentimentale. Le film est en salle dès le 1er novembre. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans quelques jours au cinéma? Eh bien, il n'y a pas grand-chose, hein, étonnamment. Mais il y a un film de Daniel Stamm, Éprouvante. Oula, pardon. La proie du diable, voilà, on va quand même être plus juste. La proie du diable, un film de 1h33, c'est un thriller, un film d'horreur. Selon les archives du Vatican, les cas de possession démoniaque ont considérablement augmenté ces dernières années. Et donc, pour y faire face, l'Église catholique a secrètement rouvert les écoles d'exorcisme. Sur ce champ de bataille spirituelle, vous rencontrez Sœur Anne, une jeune nonne qui se distingue comme une combattante prometteuse, bien qu'il soit interdit aux religieuses notamment de pratiquer des exorcismes. Un professeur détecte chez elle ce don particulier et accepte de l'initier, mais ça va être compliqué hein, puisque son âme est en danger car les forces maléfiques qu'elle combat sont mystérieusement liées à son passé traumatique. Le diable l'a choisi et il veut entrer. Un film donc assez noir, dramatique, qui est en salle ce mercredi, le 26 octobre donc, avec Jacqueline Briers, Virginia Madison et Colin Salmon notamment. Titre original, Pray for the Devil. Et c'est un film de Daniel Stamm, écrit par Robert Zappia. Et Robert Zappia, ça fait beaucoup de Robert Zappia. Pourquoi je lis deux fois, je ne sais pas. Voilà pour ces petites sorties cinéma. D'autres films en salle ce mercredi, à retrouver tout à l'heure en fin d'émission. Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end. C'est un petit peu dur ce matin, mais je vais me réveiller, pas d'inquiétude. Pour ce faire, on écoute Vianney, voici Les Imbéciles. Sommes-nous le dernier des Mohicans, des malheureux, à nous rêver tout simplement une vie à deux? Et si tout ça fait de nous des fous, tant mieux. Sommes-nous le dernier rempart d'un monde démodé qui rêve de guitare plus que de gros billets? Et si tout ça fait de nous des fous, parfait. Débile, à l'encre débile. C'est nous les imbéciles. Oui, mais heureux décidément. C'est pas dit dans les magazines. Pourtant. J'ai jamais voulu qu'on me voie en plus grand, plus beau, plus blanc que je ne le suis vraiment. J'ai fait des faux pas, oui mais faux pas, donc on en parle apparemment. Faut-il étouffer tous nos défauts, nos sentiments? Et sommes-nous la mémoire d'un monde abandonné? Ou peu importe la part, tant qu'on a la paix. Mes amis, je veux qu'à mon départ, vous chantiez. C'est nous les débile, à l'encre débile. C'est nous les imbéciles. Oui, mais heureux décidément. C'est pas dit dans les magazines. Pourtant. Vous écoutez Radio Antigone Phil FM, c'était Vianney avec les imbéciles à l'instant. Aujourd'hui, l'économie. Et aujourd'hui l'économie, c'est avec Arnaud Pontus et Mounia Daoudi. Bonjour à vous deux. Bonjour Mounia. Bonjour Arnaud. Les États-Unis ont décidé de priver la Chine de leurs technologies les plus avancées en matière de semi-conducteurs. C'est une décision qui pourrait être fatale aux efforts de Pékin de construire sa propre industrie de puces électroniques et qui relance aussi la guerre économique larvée entre les deux puissances. Bien sûr, cette nouvelle, elle est tombée en fin de semaine dernière. Washington annonce donc de nouvelles restrictions aux exportations de composants électroniques vers la Chine. Oui, et l'objectif ouvertement affiché par la Maison Blanche est de limiter la capacité de la Chine à acquérir et à fabriquer certaines puces haut de gamme, utilisées notamment dans l'industrie de défense, mais pas que. Car il faut savoir que si la production de semi-conducteurs se fait très majoritairement en Asie, principalement à Taïwan, 53% du marché mondial, mais aussi en Corée du Sud, au Japon et en Chine, la conception de ces composants est très largement dominée par les entreprises de la Silicon Valley. Et avec ce nouveau tour de vis, les entreprises chinoises ne pourront plus acheter des puces utilisant des brevets ou des composants américains, sauf accord préalable, même si ces puces sont fabriquées par des entreprises non américaines. On parle là, Arnaud, de technologies avancées, de dernière génération. Je vais essayer de ne pas être trop technique. Il s'agit concentrez-vous, de puces gravées dans des nœuds inférieurs à 7 nanomètres. Pour vous donner un ordre d'idée, l'industrie automobile, qui est très gourmande en semi-conducteurs, utilise des puces gravées dans des nœuds de 14 nanomètres et au-delà, donc deux fois plus gros. Les puces dont on parle ici concernent les secteurs sensibles des technologies de l'information et de la communication. Mounia, concrètement, quelles conséquences pour la Chine ? Si la Chine ne peut plus acheter des puces haut de gamme, elle ne pourra pas développer et surtout entretenir des super ordinateurs, des super calculateurs, dont les applications peuvent être militaires. On cite souvent l'exemple, par exemple, des calculs nécessaires pour la simulation de frappes nucléaires chinoises. Elle ne pourra pas non plus produire ses propres semi-conducteurs de pointe, dont les puces mémoire, des technologies qui lui permettent d'améliorer les systèmes d'information militaire et la surveillance de masse qu'elle exerce sur sa population. Ça, c'est l'argument avancé par Washington. Mais il n'y a pas que le secteur de la défense qui est concerné. Les semi-conducteurs dernière génération sont essentiels dans les centres de données des géants de la tech chinoise comme Alibaba, Baidu ou Tencent. D'ailleurs, les actions de ces groupes ont toutes dévissé en bourse, comme celles des fabricants chinois de semi-conducteurs. Oui, la décision de Washington est donc un coup dur pour les ambitions de Pékin. Le secteur est stratégique puisqu'il pèse plus de 680 milliards de dollars. Oui, il faut savoir que la Chine achète à l'étranger le gros de ses besoins en semi-conducteurs. Pour vous donner un ordre d'idée, le pays a importé l'année dernière pour 350 milliards de dollars de ses puces. Cela représente tout de même 13% de ses importations. Des composants essentiels pour l'industrie automobile, on en parle souvent, mais aussi l'aéronautique, la fabrication de tous ces appareils électroniques, ordinateurs, smartphones, bref, tout ce que la Chine produit en masse. Alors, conscient de ces enjeux, Xi Jinping avait lancé en 2015 le plan Made in China 2025, dont l'ambition était vraiment de faire de la Chine une grande puissance technologique, avec pour objectif de produire localement 75% des puces qu'elle utilise, mais à 3 ans de l'échéance, elle n'en produit que 15%. Pékin est donc plus que jamais dépendant de l'étranger pour ses semi-conducteurs. Mounia, on l'a dit, cette offensive américaine, ça n'est qu'une nouvelle étape en quelque sorte dans la stratégie de la Maison-Blanche de contenir les ambitions chinoises. Oui, l'épidémie de Covid, souvenez-vous, a été un électrochoc en révélant à quel point le monde était dépendant de quelques fabricants de semi-conducteurs principalement basés en Asie. On a vu les dégâts sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, leurs conséquences sur certaines industries, on parle souvent de l'automobile. Et les Américains, mais aussi les Européens, ont bien retenu la leçon et décidé d'investir massivement pour la relocalisation de la fabrication des semi-conducteurs sur leur sol. 50 milliards de dollars de fonds publics pour le CHIPS Act américain, 40 milliards pour le plan européen. Les États-Unis qui ont également lancé un nouveau front avec le CHIP4, une alliance avec 3 autres pays clés, Taïwan, la Corée du Sud et le Japon. L'objectif est de mieux répartir la production mondiale de semi-conducteurs de pointe, pour faire court. Il s'agit de convaincre ces pays de construire les unités de production de demain sur le sol américain. Vous imaginez bien, Arnaud, que cette démarche est très très mal vue par les Chinois. Merci beaucoup Arnaud Pontus et Mounia Daoudi pour cette chronique économique. On vous retrouve très très bientôt bien sûr sur Radio Antigone et tout à l'heure ce sera Marie-Pierre Olfan à 11h23. Dans un instant, le point sur l'info après Monsieur Kraft. Voici Dragonfly tout de suite. I can see it all tonight underneath the perfect sky, where the universe revolves around the pupil of an eye, and infinities stretch out from infinities within. And I'm a part of everything, I'm a part of everything. Like a the sky. All the people come and go, and the time just passes by. And I'm only gonna see it from the corner of my eye. When the planet spins, it sings like the wings of a dragonfly. Coup de douceur en ce début de case du week-end avec les musiques et Monsieur Kraft Dragonfly, un titre sorti dans l'album Silver and Fire en 2006. Merci d'écouter Radio Antigone. La radio à vif. Et Phil FM, bien sûr, les actus du numérique arrivent tout comme l'éphéméride et les actus des médias et Soprano aussi. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Il est 11h30, voici un nouveau point sur l'actu tout de suite. Dans l'actualité aujourd'hui, Philippe Bessé, président de la FSPF, la Fédération des syndicats pharmaceutiques, appelle au gouvernement pour mieux orienter les étudiants en santé vers les filières qui manquent de candidats, car selon lui, il manquerait 15 000 pharmaciens en France, 10% des effectifs. C'est ce qu'a affirmé Philippe Bessé aujourd'hui sur France Info. Le secteur manque de bras en raison de missions de santé publique supplémentaires qui ont été confiées aux officines telles que la vaccination et les dépistages, qui demanderaient 10 minutes de plus par acte avec par semaine des centaines de milliers d'actes en plus, explique donc le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Direction la Chine avec le président Xi Jinping, reconduit pour un troisième mandat à la tête du Parti communiste, ce qui le reconduit également à la présidence du pays. Normalement, en mars 2023, il a été reconduit pour 5 ans à la tête du PCC là-bas. Son gouvernement a été annoncé également aujourd'hui. Sachez que pour se maintenir au pouvoir, Xi Jinping avait fait supprimer de la constitution la limite de 2 mandats présidentiels. Ça s'était passé en 2018. Ça fait une décennie qu'il est à la tête de la Chine. Et il a réussi à faire le pari de faire du pays la deuxième économie mondiale dotée de l'une des armées les plus puissantes du monde. Nicolas Sarkozy suggère à Emmanuel Macron de se tourner de façon plus franche vers la droite et de conclure un accord politique. Explique-t-il dans le journal du dimanche lors d'un entretien. Nicolas Sarkozy qui a donc accordé cet entretien et qui précise qu'il n'a aucun conseil à donner mais qui en donne donc quelquefois. Selon lui, je me suis toujours méfié des donneurs de leçons. Nicolas Sarkozy qui s'est exprimé au journal du dimanche. Quel flash catastrophique aujourd'hui. On va terminer rapidement l'Italie. Oui, partons en Italie. Bah oui, bien sûr. La nouvelle présidente... Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré « Travaillons ensemble pour le bien de l'Italie et de l'UE ». Au chef de gouvernement Giorgia Meloni qui a prêté serment cette semaine, l'Union européenne doit, je cite, « être prête à coopérer avec la présidente ». Une réaction en cœur avec les autres réactions, notamment d'Ursula von der Leyen un petit peu plus tôt dans la semaine suite à la nomination de Giorgia Meloni de l'extrême droite à la tête du pays en Italie. Voilà pour ce point sur l'actu catastrophique. Il sera un petit peu mieux préparé tout à l'heure. J'ai surtout du mal à articuler et à faire des phrases en fait aujourd'hui. Je crois que ma bouche n'est pas réveillée. Allez, on passe tout de suite à la... Oh là là, j'arrive même pas à dire tout de suite. On passe tout de suite à la météo. Et attention à cette vigilance orange, vigilance orange du Massif central au Jura, à l'Alsace et même à la Lorraine. Orage mobile, potentiellement violent cet après-midi et ce soir. Risque de violentes rafales, de fortes intensités pluvieuses et de grêle. Attention donc, soyez prudents. Il y a énormément aussi de départements en vigilance jaune, vent violent et vagues submersion sans être en vigilance orange. 58 départements en jaune et 20 départements en orange. Donc aujourd'hui, soyez prudents sur le reste de la météo. Sinon, c'est assez beau ce matin. Pas beaucoup de pluie, à part au nord de Rouen, d'Amiens ou encore de Lille, avec des températures qui avoisineront les 15 degrés. Et plus vous descendrez vers le sud, plus ça se réchauffera pour atteindre les 22 degrés pour Marseille notamment. Dans l'après-midi, attention donc aux orages qui vont se déclarer sur les zones dont je vous ai parlé. Aurillac, Vichy, Chalon-sur-Saône, Chaumont et puis sur toute la Bretagne, Normandie, région parisienne ou encore les pays de la Loire. Soyez donc prudents, on reparlera de la météo et notamment des jours prochains tout à l'heure à 11h dans le cadre du météo plus complète. La tasse du week-end. Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Pour vous accompagner jusqu'à midi, donc, avec dans quelques instants des actus du numérique. Il y aura votre éphéméride pour tout savoir sur le dimanche 23 octobre. On écoutera de la musique avec Imagine Dragons, Enemy. Avec les actus des médias aussi qui seront là, elles sont chargées, les actus des médias, donc on aura beaucoup à parler tout à l'heure, juste avant 11h. Et puis le classique musical, avant tout cela, eh bien ce sera Véronique Sanson avec Besoin de personne. Besoin de personne, quand il est venu vers moi. Pour retrouver Véronique Sanson, il faut rester avec nous jusqu'à 11h sur Radio Antigone, même avant 11h. Vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à 11h, vous aurez droit à Véronique Sanson un petit peu avant. Allez, la musique de retour tout de suite avec un titre extrait de l'album Chasseur d'étoiles de Soprano. Il s'agit de Forest, juste avant les actus du numérique, bien sûr. Excellente matinée à l'écoute de Phil FM et de Radio Antigone. Je résonne pas trop comme les autres. J'ai des rêves pas trop dans les normes. Est-ce ma faute si je fais les choses quand mon cœur m'en donne l'ordre? J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette différence. Les murmures que porte mon dos ont parfois fait saigner mon cœur. Mais je sais que c'est un cadeau de ne pas faire partie des suiveurs. J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette puissance. Car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté. Si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être soi. J'ai toujours cru en ma bonne étoile, donc j'ai couru en fermant les yeux. J'ai déplacé des tas de montagnes avec la force de mes voeux. Aujourd'hui je connais ma différence et c'est une chance. Car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être moi. Forest. écoutez Radio Antigone et Phil FM, il est 10h40, c'était Soprano avec Forest. Radio Antigone, Phil FM. Les actus du numérique. Direction YouTube pour ces actus du numérique, puisque vous avez peut-être vu passer l'info. Dans le cadre d'une expérimentation, Google a décidé de passer la résolution, la définition 4K de YouTube en payant. Et oui, ça a été fait dans le cadre d'un test. Certaines personnes devaient avoir YouTube Premium pour accéder à différentes définitions, notamment le 4K. Expérimentation qui a été annoncée comme terminée et qui ne sera pas déployé, c'est donc une bonne nouvelle. Néanmoins, le nombre de pubs devrait continuer d'augmenter et rester comme c'est un petit peu le cas actuellement, avec de nombreuses pubs assez longues que l'on peut de moins en moins passer, voilà, malheureusement. Pour cela, il y a YouTube Premium qui vous permet d'avoir une expérience sans pub et YouTube Musique. Mais certains médias ont annoncé que YouTube aurait envoyé des mails à ses abonnés Premium afin d'annoncer une hausse du prix de cet abonnement. L'article mentionne les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Argentine. Aux États-Unis, le prix de l'abonnement familial passerait donc de 17,99 $ par mois à 22,99 $ par mois. Pour le moment, la France ne semble pas mentionnée, mais PresseCitron.net nous annonce que YouTube Premium aurait pour projet d'augmenter ce tarif dans le monde entier. La proportion du tarif, de l'augmentation du tarif, serait très certainement la même en France, une nouvelle fois selon Presse Citron, qui nous rappelle également que lorsque vous souscrivez à cet abonnement, vous avez la possibilité de partager celui-ci avec un maximum de 5 membres de votre foyer, ce qui ne semble plus être le cas ces derniers temps, ce qui ne sera bientôt plus le cas pour les comptes comme Netflix ou autres plateformes. Voilà pour ces actus du numérique. Je vous propose qu'on reparte en musique tout de suite. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end. Avec Imagine Dragons, pour se faire petit plaisir, voilà. Voici Enemy tout de suite, extrait de la série Arcane. I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. On the wall as you're praying for my phone, and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Tell you you're the greatest, but once you turn they hate us. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell him I still away go. Ain't wanna fly on my drive to the top. I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe. And it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second. Pack it up, I don't panic. Batter up, who the baddest? It don't matter, cause we is your enemy. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Merci d'écouter Radio Antigone et Phil FM. Vous venez d'écouter Imagine Dragons avec Enemy, extrait de la série Arcane. League of Legends. Oh là là, j'ai du mal, mais pourquoi je bute sur les mots aujourd'hui? Je ne sais pas. Je vais essayer de ne pas buter sur l'éphéméride qui arrive tout de suite. L'éphéméride. Nous sommes le dimanche 23 octobre 2022, c'est le 296e jour de l'année, il en reste 69 avant la fin. Bonne fête aux Domis, aux Odé, aux Odeline ainsi qu'aux Odessa. C'est aujourd'hui la journée missionnaire mondiale et la journée internationale du léopard des neiges. Bon anniversaire au footballeur Pelé qui fête ses 82 ans, Ariel Boulin-Pratt, l'ancienne animatrice des chiffres et des lettres, née en 1953, fête quant à elle ses 69 ans. Philippe Poupon, le navigateur, a 68 ans. Le pilote automobile Alessandro Zanardi, italien, fête ses 56 ans. La chanteuse Jill Kaplan fête ses 57 ans. Ryan Reynolds a quant à lui 46 ans. Et puis Emilia Clarke fête ses 36 ans aujourd'hui. Et puis on termine avec Laetitia Dolorea, qui est née en 1980 et qui fête donc ses 41 ans. Voici quelques événements qui se sont déroulés des 23 octobre. Et je vous propose qu'on commence avec un petit événement assez récent. Oui, peut-être. Est-ce que j'en ai un? Est-ce que j'ai des choses sous la main? Eh ben non, parce que j'ai pas grand-chose, sinon ça n'est pas drôle. Voilà, quelques événements. Allez, assez récent. Oui, c'est pas très très joyeux aujourd'hui, vraiment, hein. C'est un 23 octobre qu'a eu lieu le premier vol de reconnaissance de l'histoire par avion. C'était lors de la guerre italo-turque en 1911, le 23 octobre 1911, donc. Le 23 octobre 2011, un séisme d'une magnitude de 7,3 a frappé l'est de la Turquie dans la province de Van. Il a causé entre 500 et 1000 morts et de nombreux blessés. Une pensée pour toutes ces personnes. Et en 2015, le même jour, le 23 octobre, l'accident entre un autocar et un camion de Pusseguin, dont le procès a eu lieu récemment, il me semble, a coûté la vie à 43 personnes. Terrible événement aussi qui s'est déroulé en Aquitaine, dans le sud-ouest de la France. Terminons avec cet autre événement. C'est un 23 octobre qu'a été fondé le RAID, l'unité d'élite de la police nationale française, le 23 octobre 1985. On peut peut-être bien noter un autre événement, c'est un 23 octobre également, qu'a été lancé le premier Ordiphone iPod par Apple, et c'était en 2001 déjà. Et puis terminons avec un événement un petit peu plus gai, voilà, et qui en plus date de très très loin pour ce que c'est. 1814, pour le 23 octobre 1814, date de la première chirurgie plastique. Elle a été réalisée par Joseph Constantin Carpu. Voilà pour cette éphéméride et bon anniversaire si vous êtes né le 23 octobre. Le classique de la case du week-end. Oh oui, voici enfin un titre que tout le monde a entendu déjà au moins une fois dans sa vie et qui va nous faire plaisir. Véronique Sanson. Je n'ai eu besoin de personne pour le rencontrer un jour, ni qu'on nous raisonne pour m'aider à voir l'amour. Besoin de personne quand je me suis fait. Il est venu. genre de personne, c'était Véronique Sanson sur Phil FM et Radio Antigone. Radio Antigone, Phil FM. Les actus des médias. Après le retour en fanfare la semaine dernière, grosse baisse d'audience pour la Star Academy qui avait été scrutée par 4,84 millions de Français la semaine dernière et qui voit son audience baisser à 3 703 000 téléspectateurs hier soir, un chiffre qui reste quand même honorable, hein. C'est Meurtre à Albi qui était premier avec 4 405 000 téléspectateurs, loin devant TF1 donc, 22,8% de part de marché contre 18,9% pour la Star Academy. N'oubliez pas les paroles qui proposaient un prime hier, n'est qu'à 1,710 millions de téléspectateurs. Oula, 1 710 000 pardon, téléspectateurs. Est-ce que j'ai dit la même bêtise pour tous les autres chiffres? Je ne sais plus. À moins de 10% de part de marché, 9,4 hein, pour être précis. France 2 qui est suivi par Échappée Belle, France 5 et par la série Columbo sur TMC. La semaine dernière, c'était aussi Les Meurtres, hein, il me semble, qui était premier en audience, et qui était vu par un petit peu moins de personnes. On a un petit peu réparti les audiences, mais audience qui reste, selon moi, assez honorable et surtout que cette baisse était assez prévisible, on va dire, à la suite de la curiosité de la semaine dernière de voir le retour d'un programme comme celui-ci. Cette semaine, c'était assez logique que ça baisse, peut-être pas autant. En tout cas, ça fait quand même une belle perte hein, de plus d'un million de téléspectateurs, comme certains d'ailleurs l'avaient prédit. On va passer et puis aux autres actus des médias, à d'autres actus des médias, oui, puisqu'il y a plein d'autres choses à dire, bah oui, bien sûr. Et on peut parler du retour de Frédéric Lopez sur France 2, qui vous propose une nouvelle émission, un dimanche à la campagne. Émission diffusée tous les dimanches à partir d'aujourd'hui à 16h55. Et pour son grand retour, eh bien Frédéric Lopez a invité à la campagne Big Flo et Oli, Charlotte de Turquin et la comédienne Barbara Schulz. Rencontre à la fois détonnante et pleine d'émotions entre trois générations et trois univers bien différents. Une émission produite par Frédéric Lopez et Caroline Massardi en productrice exécutive, réalisée par Sébastien Devant. Production de Youmé Productions, donc pour être précis avec la société coproduction France Télévisions. Début donc cette semaine pour cette nouvelle émission de Frédéric Lopez qui sera donc tous les dimanches à 16h55. On a un petit peu de temps encore pour continuer ces actus des médias. Et de quoi peut-on parler d'autre? Eh ben, excellente question. Non, on a plein de choses hein, vraiment à parler. On reste sur France 2 qui va lancer... qui a déjà lancé, donc là c'est une actu qui est un petit peu fausse, voilà, qui date. Je vais plutôt vous parler d'autre chose. On va aller du côté du groupe Lagardère qui a annoncé cette semaine la nomination d'un nouveau directeur général des radios musicales. C'est Stéphane Bosque qui va prendre le poste. Il sera donc à la tête de RFM et Virgin Radio qui va devenir Europe 2 à la rentrée de janvier et dont le logo a été dévoilé cette semaine. Logo que je vous invite à aller retrouver sur internet, logo qui change totalement. Oui, en reprenant les couleurs noires et rouges, mais qui fait un petit peu de changement, une belle évolution du logo de Europe 2. Donc, voilà pour ces actus des médias qui reviennent dans une heure, bien sûr. Sur Radio Antigone, il est 10h55 et dans quelques instants, dans un peu moins de 5 minutes, vous allez pouvoir tout savoir sur l'actualité avec un nouveau flash ainsi qu'un nouveau point sur la météo. Il y aura l'archive pub, le Musicator 2000, le programme télé, aujourd'hui l'économie et puis de nouvelles actus du numérique, etc., etc., etc. On aura l'occasion de reparler. On écoutera bien sûr de la musique, il y aura un nouveau classique dans un peu moins d'une heure. On écoutera U2, Lost Frequencies et Callum Scott aussi à venir dans la demi-heure. Restez donc bien sur Radio Antigone. Pour l'instant, voici Matrix et c'est Dead Disco que l'on écoute dès maintenant à 10h56. Très bonne matinée à l'écoute de Phil FM et de Radio Antigone. Métrique, oui, c'est ça. Et un titre extrait de l'album. Ouh là là, attention, longue phrase en anglais. C'est pas le titre dans l'album, hein. C'est ce que je vais dire après. Alors, extrait de l'album. Old World Underground, Where Are You Now? Oh, dis donc. Album sorti en 2003. C'était le titre Dead Disco sur Phil FM et Radio Antigone. On est un petit peu en avance, mais ce n'est pas grave. Je vais profiter de cette avance. La radio à vif. Merci d'être avec nous. Dans un instant, l'archive pub, mais également le programme télé et le retour de la musique avec Lost Frequencies. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Phil FM et Radio Antigone, il est 11h. Voici un nouveau point sur l'actualité, le Flash. Dans l'actualité, aujourd'hui, renouvellement du mandat, entre guillemets, de Xi Jinping en Chine. Le président Xi Jinping a été reconduit pour un troisième mandat à la tête du Parti communiste. Il devrait ainsi être confirmé à la présidence du pays en mars de l'année prochaine, en 2023. Donc, il est au pouvoir depuis 10 ans. Et il y a quelques années, en 2018, eh bien, il a fait supprimer la constitution, la limite des 2 mandats qui étaient présents dans cette dernière. Autre fait dans l'actualité, le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France s'est exprimé ce matin et a indiqué qu'il manquait plus de 15 000 pharmaciens en France, selon lui. Il s'agit de Philippe Besset qui en appelle donc au gouvernement pour mieux orienter les étudiants vers les filières qui manquent de candidats, les étudiants de santé vers les filières qui manquent de candidats. Selon lui, eh bien, il manque de bras dans ce secteur car de nombreuses missions de santé publique supplémentaires ont été confiées aux officines, comme la vaccination et les dépistages, ce qui demanderait 10 minutes de plus par acte avec, par semaine, des centaines de milliers d'actes en plus. Ce sont ses explications. Il y a 1100 places vacantes dans les filières pharmaceutiques à la fac. C'était en tout cas le cas à la rentrée 2022, ce que Philippe Besset déplore comme une, je cite, catastrophe. Dans l'actualité également, nouvelle réaction eh bien, à la nomination de Giorgia Meloni à la tête du gouvernement italien. Nouvelle réaction cette fois de Charles Michel qui a déclaré samedi que travailler ensemble, Charles Michel a déclaré « Travaillons ensemble pour le bien de l'Italie et de l'UE », le président du Conseil européen, donc qui s'est exprimé hier, alors que Giorgia Meloni a prêté serment hier et doit prendre ses fonctions aujourd'hui. Ursula von der Leyen avait félicité Giorgia Meloni pour sa nomination comme première ministre, la première femme à obtenir ce poste. C'est ce qu'avait déclaré Ursula von der Leyen hier, à la suite de cette nomination. Ursula von der Leyen, je vous le rappelle, présidente de la Commission européenne. Dans l'actualité également, eh bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne sais plus. Voilà, j'ai un trou. Peut-être. On va rajouter que le ministre de la Santé, François Braun, a lancé un appel à ne pas encombrer les urgences pédiatriques après une lettre ouverte de soignants à Emmanuel Macron, qui était là pour alerter sur la saturation du secteur. Il a promis aux soignants des mesures à court terme. Et puis on termine avec cette info carburant. La situation qui s'améliore pour les automobilistes avec 13% des stations-service en difficulté hier soir. Mais la grève est reconduite au dépôt de Fezin dans le Rhône et ce jusqu'à lundi. Voilà pour ce point sur l'actu qui a duré 4 minutes. C'est long. La météo, beaucoup moins long. Vigilance orange. Attention. Vigilance orange. Oui, du massif central au Jura, à l'Alsace et à la Lorraine pour des orages mobiles potentiellement violents cet après-midi et ce soir. Risque de violentes rafales, de fortes intensités pluvieuses et de grêle. Soyez donc prudents. Il y a 20 départements en vigilance orange et 58 départements en vigilance jaune pour vent violent, vagues, submersion. Soyez prudents donc, car cet après-midi, de nombreux orages vont se déclarer. déclenché, vous l'aurez compris. Ça sera le cas en Auvergne-Rhône-Alpes, dans l'ouest de l'Auvergne-Rhône-Alpes, en Bourgogne-Franche-Comté aussi, entre Chalon-sur-Saône et Chaumont. Et puis, sur la région parisienne, la Normandie, la Bretagne ou encore les pays de la Loire. Demain, la situation va s'améliorer, les pluies, les orages qui se transformeront en pluie assez simple, d'où la vigilance orange et jaune qui devrait s'arrêter normalement demain matin. Toujours de la pluie, hein, exactement aux mêmes endroits, hormis sur la Franche-Comté et les pluies de l'Auvergne-Rhône-Alpes qui se seront décalées vers l'est, du côté de Lyon ou encore Grenoble et Montélimar. Dans l'après-midi, attention à des orages qui devraient se redéclencher dans les Hauts-de-France et dans le nord-ouest de la région Île-de-France, ainsi qu'à Bourg-Saint-Maurice et dans toute sa zone. Mardi, la situation devrait s'améliorer avec le retour du soleil, des températures qui monteront jusqu'à 14 degrés pour Paris, 18 degrés pour Ajaccio mardi matin, 9 degrés pour Bourg-Saint-Maurice, 10 degrés à Aurillac, et dans l'après-midi, les températures qui vont augmenter. On va tourner autour des 20 degrés, hein, 16 degrés. Oui, on est un peu loin, ça c'est pour Amiens. Mais par contre, 20 degrés pour Strasbourg, tout comme à Bourges ou encore à Lyon, et même à Aurillac et même Tours, 21 à Vichy, 24 à Toulouse, 23 à Marseille, 21 à Nice, 26 à Ajaccio. Voilà pour votre météo qui revient bien sûr tout à l'heure à 11h30. La case du week-end. Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Et oui, on est ensemble et en direct en plus pour la case du week-end de Radio Antigone avec un très beau programme. Dans les prochaines minutes, on va parler un petit peu pub avec une archive pub qui arrive. Ben oui, une archive pub, ça va nous faire du bien, une petite archive pub. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? YouTube, Your Song Saved My Life, qu'on écoute dans quelques instants sur Phil FM et Radio Antigone. Know your song. I don't sing it just so I can get by. Won't you hear me? Juste avant, on écoutera Lost Frequencies et Callum Scott. Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. Et puis vous le savez, chaque heure dans la case du week-end, on écoute des classiques musicaux, un par heure. Et celui de cette heure, eh bien, se nomme, attention, encore un titre en anglais, hein. Il se nomme Shake Your Body, et vous l'aurez reconnu, il s'agit des Jacksons qu'on écoutera. And I do know that I want you. Let's dance, let's shout, shout. Shake your body now to ground. Let's dance, let's shout, shout. Shake your body now to ground. Voilà pour ce très très beau programme. Restez bien à l'écoute de Radio Antigone et de Phil FM pour en profiter. Allez, il est 11h07, direction l'archive pub dès maintenant. L'archive pub. Allez, rapidement, une année que je vais choisir totalement par hasard, là, à l'improvisation. Je vois du 16, donc parce qu'il était 11h07 et 7 secondes, donc je vais en 1996, du coup, pour une archive pub de 1996, donc. Sur quoi peut-on aller ? Bah oui, il y a plein de pubs, hein, 1996, je n'en doute pas. Direction, une vidéo Dailymotion de Grec TV. Qui nous propose cet enregistrement d'une pub, d'une page de publicité du 12 octobre sur M6. Je crois qu'on a déjà regardé quelques vidéos de cette date. Voilà, alors c'était à la suite d'une diffusion de Aux Frontières du Réel, ou plus précisément de X-Files, donc, hein, à la fin de cet épisode. Vous aviez le petit synthé maintenant qui clignotait aux frontières du réel. Et après, qu'est-ce que vous aviez ? Eh bien, vous aviez la publicité qui arrivait. Et elle est avec ce jingle. Dis donc, Moussaillon, t'as rien oublié ? Du l'air d'amour où je fais un malheur. T'as de la chance qu'il en reste. C'est d'ailleurs très très drôle, hein, ce jingle pub avec une musique de Star Wars pour X-Files. C'est vrai qu'on est un peu, ouais, science-fiction peut-être, mais c'est quand même assez étonnant, il faut bien le dire. 12 octobre 1996 pour cette publicité pour l'air d'Hammer. C'est du fromage, hein, bien sûr. Et cette publicité est bien représentée, deux marins, voilà, qui étaient sur leur bateau. Il y avait tout un petit scénario et à la fin, ils finissaient par manger du l'air d'Hammer. Alors, l'air d'Hammer, qu'est-ce que c'est? C'est du fromage, je vous l'ai dit. C'est un fromage néerlandais exploité pour identifier commercialement une série de fromages industriels. C'est la définition très très très très française, hein, d'une définition pour un fromage. La marque a été créée en 1974 et elle domine le marché des fromages à pâte semi-cuite en Europe de l'Ouest. La marque est connue pour le ton décalé de cette publicité, notamment de celle-ci quand vous voyez les images. Les fromages qui sont attachés à cette marque sont fabriqués aux Pays-Bas, hein, à partir d'un lait standardisé et pasteurisé, issu des laits crus réfrigérés de vaches achetés et collectés au prix d'agriculteurs des environs de l'usine. Donc, en soi, on est sur du local, hein, sur l'usine en elle-même. Le fromage générique similaire au lait d'Hammer est le Masdam, du nom du village de Masdam. Nom créé donc en 1974 pour la marque, hein, mais pour la petite histoire, en 1914, oulala, je vais reprendre ma phrase, en 1914, Sisbert Cooper a acheté une laiterie près de Leerdam, et en 1970, Sesberg Tooper s'associe aux Bastian Bars qui exploitent une entreprise de négoce de fromage. De leur collaboration naît la marque de fromage Leerdammer. Ils ont l'idée de fusionner le moelleux du gouda avec la force de l'emmental et avec une touche de noisette. Marque déposée, marque qui a dépassé les frontières de son pays, hein, et qui est commercialisée en Europe, notamment en France, mais également en Amérique du Nord. Lancement effectué en France en 1987, c'était donc assez récent, hein, quand cette publicité a été diffusée en 1996 sur M6. Je vous rappelle la source de cet extrait audio que je vous ai fait écouter, Greg TV, la chaîne de Greg TV sur Dailymotion, vidéo publiée il y a 8 ans, M6, 12 octobre 1996, de pub 4BA, c'est le nom de la vidéo, si vous voulez aller la retrouver et la voir en intégralité. On écoutera un de ces jours d'autres publicités de cette même page de pub. On continue cette émission avec Lost Frequencies tout de suite. Oh bah oui, et puis après je vous propose un petit Musicator 2000, voilà, et puis le programme télé aussi. Bref, un programme bien chargé pour cette deuxième heure de Case du Week-end. Voici Lost Frequencies, Where Are You, You Know. 5 days on the freeway riding shotgun with you, yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue, yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. Vous êtes sur Radio Antigone et vous avez bien raison. Vous êtes également sur Phil FM où vous avez encore plus raison. C'était à l'instant Lost Frequencies et Callum Scott pour Where Are You Now. Est-ce que ça vous dit de faire un petit Musicator 2000 rapidement? Ça vous dit? Eh ben alors on y va, c'est parti. Le Musicator 2000. Je vous rappelle le principe pour les nouveaux que vous êtes peut-être. Merci d'ailleurs de rejoindre la famille Radio Antigone et Phil FM, la famille de la case du week-end. Le concept est hyper basique. Je vais sur une radio d'un autre pays et puis on écoute la musique actuellement diffusée sur cette radio. Voilà, tout simplement. Ça nous fait une petite découverte musicale et c'est souvent bien sympathique. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parte en Norvège. On va sur Radio Norway. Norgé, voilà. On peut pas être plus basique pour la Norvège. Une radio qui a dans le nom presque Norvège. Voilà. Et c'est un titre de Jag Kommer que je vous propose, qui est diffusé actuellement sur cette radio. Il s'agit d'un titre de Veronica Maggio. Merci Veronica Maggio pour votre titre Jag Kommer. Encore une belle découverte dans ce Musicator 2000. C'était une musique diffusée il y a quelques instants sur... Et tout de suite, on passe au programme télé sur Radio Antigone et Phil FM. Radio Antigone, Phil FM, le programme TV. Avec TF1 qui vous propose à 21h10 le film Les Animaux Fantastiques. Sur France 2, un film cette fois inédit, il s'agit du film Polly. Sur France 3, Les Enquêtes de Vera. Sur Canal+, la 8ème journée de Top 14 de rugby, Toulouse affronte La Rochelle à partir de 21h05. France 5 vous propose un magazine consacré à Mussolini, le premier fasciste. Le Verbe et la Matraque, 1920-1936, c'est la période racontée aujourd'hui dans ce documentaire d'une durée de 55 minutes. Sur M6, c'est inédit et ça dure 2h05. Capital, chauffage, essence, électricité, comment résister à la flambée des prix? C'est à partir de 21h10 et c'est suivi d'enquête exclusive à 23h15 qui vous parlera des oubliés de la couronne au Royaume-Uni. Sur Arte, USS Alabama, le film, à partir de 20h55. Sur C8, et là j'espère que mon papa écoute puisque c'est un des grands prix diffusés en clair cette saison. Grand prix de Formule 1, bien sûr, le Grand Prix des États-Unis. Il est diffusé à partir de 20h39 sur C8, le canal 8 de la TNT. On continue avec W9, qui vous diffuse le film Mia et le Lion Blanc à partir de 21h05. À la même heure, le téléfilm Tension sur le Cap Corse sur TMC. Sur TFX, une nouvelle fois à la même heure, Monsieur Je sais tout, c'est un film. 10 minutes plus tard, sur NRJ12, quotidien hors du commun. 4 saisons au bassin d'Arcachon. Sur la chaîne parlementaire LCP Public Sénat, comme tous les dimanches, Rambobina, qui parle aujourd'hui de 1983, l'émergence du FN. Sur France 4, Le Tartuffe, la pièce de théâtre à retrouver donc sur Culture Box, canal 14 de la TNT. Sur ses stars, Chicago Fire à partir de 21h05 avec plusieurs épisodes inédits ce soir. Sur Gulli, rediffusion de Tintin et le Temple du Soleil à partir de 21h05. Sur TF1 Série Film, le film La Croisière. La chaîne L'Équipe vous propose de la NFL aujourd'hui, du football américain. Les Carolina Panthers affrontent les Tampa Bay Buccaneers. C'est là, c'est une nouvelle journée donc de NFL. Sur Sister, le canal 22, G.E. Joe Conspiration. C'est un film à partir de 21h05. À la même heure, et cette fois sur RMC Découverte, le canal 23, un numéro inédit de Faites Entrer l'Accusé, La Belle et le Taulard. Il y en aura un deuxième numéro à 22h35 qui est également inédit, le meurtre inavouable de Sylvain Dromard. Sur RMC Découverte, à 21h05, Mordu de la pêche, plusieurs épisodes ce soir, et on termine avec Chérie 25, qui, comme depuis quelques dimanches de suite, rediffuse des petits meurtres d'Agatha Christie à partir de 21h05. Voilà pour votre programme télé. 10h midi, la case du week-end. J'espère que ça va. Oui. Ça va. On va manger, on va parler, non, on va pas manger, on va parler banane en tout cas, dans la case du week-end dans un instant, dans Aujourd'hui l'économie avec Marie-Pierre Olfo, puisque la banane subit de plein fouet la crise énergétique. On en parle dans un instant. Après U2, voici Your Song Saved My Life, à tout de suite sur Phil FM et Radio Antigone. 11h21. It was a Monday morning, about a quarter past four. You Too, Your Song Save My Life, issu du film Sing 2. Aujourd'hui, l'économie. C'est aujourd'hui avec Marie-Pierre Olfan, et comme certains fruits et légumes, la banane subit de plein fouet la crise énergétique. Pour être commercialisée, elle doit passer plusieurs jours en mûrisserie. Or, la filière était déjà touchée par la hausse des coûts de production. Tôt ou tard, la banane devrait coûter plus cher aux consommateurs, Marie-Pierre. L'image de fruit accessible à tous qui colle à la banane est plus que jamais menacée. Il faut dire que la grande distribution en a fait depuis des années son produit d'appel, en maintenant des prix très bas. Certains experts de la filière disent même qu'elle est devenue l'otage, voire la chair à canon des supermarchés. Or, depuis des mois, le fruit jaune coûte de plus en plus cher à produire. Au coût des engrais qui pèsent sur les planteurs, il faut ajouter celui des emballages qui a augmenté d'au moins 25%, celui du transport maritime et désormais le coût énergétique subi par les mûrisseries qui se trouvent en Europe. La banane voyage en effet à l'état de fruit vert et passe ensuite plusieurs jours à une température comprise entre 13 et 17 degrés. Une étape indispensable qui permet par une réaction chimique à la pulpe de devenir consommable. Une étape qui exige aussi une ventilation des fruits et qui ne pourrait supporter une coupure d'électricité de plus de 2 heures. D'où l'inquiétude des mûrisseurs français et européens face à la crise énergétique actuelle. Aujourd'hui, dans l'état des contrats négociés avec la grande distribution, les prix de la banane ne reflètent pas l'augmentation de l'ensemble de ses coûts. À chaque étape, producteurs, importateurs, mûrisseurs et distributeurs rognent sur leurs marges à des degrés différents. Mais la situation pourrait vite devenir intenable. Il faut donc s'attendre à des prix plus élevés en 2023. Un avant-goût est donné par les prix spot, c'est-à-dire pour des achats immédiats. Le carton de banane s'affiche ces jours-ci à 15 euros contre moins de 10 euros l'été dernier. Une petite augmentation, en effet. Merci beaucoup, Marie-Pierre Olfan. Petite, hein, c'était un petit peu ironique. Hein. Merci, Marie-Pierre, et à très très bientôt, sûrement la semaine prochaine, pour une nouvelle... Non, pas la semaine prochaine, on verra, je vous en reparlerai. À très bientôt pour une nouvelle chronique économique. Dans un instant, le flash de 11h30, mais tout de suite, voici Métronomie. Everything goes my way. Love. again. Love, I'm in love again. Love, I'm in love again. Métronomie sur Phil FM et Radio Antigone, c'était Everything Goes My Way. La radio à vif. C'est parti pour la dernière demi-heure, déjà, eh oui. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un très très bon programme que je vais vous annoncer dans un instant. Il est 11h30. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Ah ouais, oui, maintenant on parle comme ça, vraiment. Voici le flash, alors on est parti. N'oublie pas de baisser le fader non plus quand tu parles, Enzo. C'est toujours plus sympathique. Dans l'actualité, aujourd'hui, il y a direction la Chine. Et l'homme fort de Pékin qui va se maintenir à la tête du pouvoir en Chine, le président chinois Xi Jinping, a été reconduit pour 5 ans comme secrétaire général du Parti communiste chinois. Et ce, selon l'agence officielle. Ça a été annoncé ce dimanche. Il va donc devenir le plus puissant depuis Mao Tse-tung, fondateur du régime. Sa reconduction a été annoncée à l'issue d'un congrès qui a permis à Xi Jinping de renforcer son pouvoir sur le Parti communiste. Le dirigeant, également reconduit à la tête de l'armée chinoise, doit être officiellement confirmé à la présidence du pays en mars 2023, selon France Info. Dans l'actualité, 1100 places vacantes dans les filières pharmacie à la fac à la rentrée 2022. C'est ce que déplore comme catastrophe Philippe Bessé, assurant que cette difficulté est directement liée à une très mauvaise application de la réforme PASS-LAS, réforme des études de santé. Le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France accuse le ministère de santé de s'être focalisé sur la réforme de la formation des médecins et donc d'avoir complètement oublié les secteurs associés comme sage-femme et pharmacien. Selon lui, il y a un déficit de 15 000 pharmaciens. Il manquerait 15 000 pharmaciens. En tout cas, c'est la capacité de recrutement pour les pharmaciens. 10% des effectifs, car les missions de santé publique données aux pharmaciens ont été augmentées, beaucoup plus de missions confiées, telles que la vaccination et les dépistages, ce qui demande 10 minutes de plus par acte, avec par semaine des centaines de milliers d'actes en plus, a-t-il expliqué tout à l'heure. Dans l'actualité également, cette actualité ukrainienne que j'avais sous les yeux, mais que je n'ai plus, puisque sinon ça ne serait pas drôle, que j'ai de nouveau sous les yeux. Les autorités d'occupation pro-russes ont appelé à quitter la ville disputée de Kherson, et ce alors que les autorités ukrainiennes dénoncent la stratégie russe qui vise à priver les civils d'électricité. Situation donc toujours compliquée hier en Allemagne. C'est un petit peu, c'est toujours la catastrophe, hein, une bataille de Kherson qui se précise donc, et des infrastructures énergétiques toujours dans le viseur des Russes. Plus d'un million de foyers se sont retrouvés dans le noir à travers tout le pays hier soir, selon une communication sur les réseaux sociaux d'un conseiller de la présidence ukrainienne. On termine avec la situation sur les carburants qui s'améliore, puisque seulement 13% des stations-service étaient en difficulté hier soir. Néanmoins, la grève est reconduite dans le dépôt de Fezin, dans le Rhône, et ce jusqu'à lundi. Voilà pour ce point sur l'actu. La météo tout de suite. Et attention toujours à cette vigilance orange pour orages et vents violents du massif central au Jura, à l'Alsace et à la Lorraine. Orage mobile, potentiellement violent cet après-midi et ce soir. Attention bien sûr à ces risques de violentes rafales, de forte intensité pluvieuse et de grêle. 20 départements en vigilance orange et 58 départements en vigilance jaune, vent violent et vagues submersion. C'est le cas jusqu'à demain 6h. Au moins, la vigilance orange devrait s'arrêter tout à l'heure vers les 3h du matin, donc demain aussi. Mais la jaune devrait continuer encore un petit peu. Soyez donc très très prudents. Pour l'instant, l'annonce, c'est une validité jusqu'à demain, jusqu'à 6h. Mais ça pourra bien sûr être reconduit. Restez prudents et à l'affût des dernières infos. Donc, orage cet après-midi, ça sera aussi... le cas demain après-midi, voilà, avec des températures qui seront assez élevées, hein, parce qu'on tournera autour des 20 degrés, clairement, 18 degrés sur toute la partie nord de la France, 20 degrés à partir d'Auxerre, et puis plus vous descendez dans le sud, plus vous atteindrez des températures élevées, 22 degrés à Vichy, 24 à Perpignan, Marseille, et même 28, tenez-vous bien, 28, oui, à Ajaccio. Mardi, eh ben, ça va s'améliorer avec le retour du soleil qui va, eh bien, qui va pointer le bout de son nez, clairement, et des températures qui vont néanmoins baisser un petit peu. On tournera toujours aux alentours des 20 degrés, mais on sera un peu plus bas quand même sur la partie nord. 16 degrés, hein, pour Lille, 17 pour Brest et la Normandie plus généralement. Entre 17 et 20 degrés pour le Grand Est, et puis la partie nord dépassera largement les 20 degrés et pourra aller jusqu'à 23 à Marseille ou à Montpellier, 24 à Toulouse ou encore à Biarritz et 26 degrés pour Ajaccio. Voilà pour votre météo. La case du week-end, ça continue tout de suite. La case du week-end. Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Avec la suite donc de cette case du week-end jusqu'à midi, la dernière demi-heure, ça va un peu mieux là. Dis donc, je me suis réveillé, enfin, j'arrive à faire des phrases à peu près potables. La dernière demi-heure, elle est chargée, comme d'habitude, puisque vous allez avoir droit aux actus du sport dans une dizaine de minutes. Il y aura les actus du numérique dans un court instant, 3 minutes, 3-4 minutes, de nouvelles actus immédiates, et puis si on a le temps, d'autres sorties cinéma pour savoir quoi aller voir sur vos grands écrans à partir de mercredi. Niveau musique, on s'écoutera Amir avec Rétine. Si dans ta rétine l'amour ne supporte plus la lumière du jour. Amir qui était hier lors du prime time de la Star Academy et qui nous a littéralement éclaté les yeux avec, en fin de prime time à 23h30, ils ont décidé de nous mettre, eh bien, un beau décor bien blanc, pétant, qui dépassait quasiment les normes télévisuelles, voilà, et qui faisait bien mal aux yeux après 2 heures de programme, dont des prestations musicales dans un environnement assez sombre. Ça fait bien mal aux yeux. On écoutera aussi un, j'ai envie de dénoncer, je me permets cette petite critique, parce que à 23h30, avoir un gros décor tout blanc, non, en fait. Quand on a eu autre chose pendant tout le reste du temps. On écoutera un classique musical aussi, sur Phil FM et Radio Antigone avec les Jackson. Check Your Body dans un instant. Ah, ça va nous faire du bien, les Jackson 5 sur Phil FM tout à l'heure. Merci d'être avec nous. On écoute tout de suite Naïve, New Beaters et Isia, c'est Il Tomorrow. Ça démarre pas. C'est pratique, ça, quand même. Ça faisait longtemps. 11h37 sur Phil FM et Radio Antigone. Today you hurt me, gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. Today you hurt me, gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. Today you hurt me, gonna heal tomorrow. If you leave me, I can do it solo. Today you hurt me, gonna heal tomorrow. And if you leave me, I that I just did it all. No, the world is smart, for sure I can fall. I have a Merci d'écouter Radio Antigone et Phil FM. Oui, je me suis fait surprendre par la fin de la musique, ça m'arrive. Naïve New Betters en featuring avec Izia, c'était Il Tomorrow. Et tout de suite, c'est l'heure des actus du numérique. Oh là là, mais c'est pourquoi j'arrive à faire cette erreur, moi. Je sais pas. Ah bah ça démarre toujours pas. Eh bah super. Allez. Radio Antigone, Phil FM. Les actus du numérique. Allez, on parle de cloud gaming pour ces deuxièmes actus du numérique de la journée, de l'émission, comme d'habitude. Je vous propose donc de parler de cloud gaming. Vous l'avez peut-être appris, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. C'est dommage parce que on avait beaucoup parlé de Stadia, le service de cloud gaming de Google. Cloud gaming, je rappelle, qui vous permet de jouer à vos jeux vidéo préférés avec de la puissance, comme si vous aviez un ordinateur chez vous, mais tout simplement avec le cloud. Voilà, des jeux en streaming. Vous regardez un écran live streamé en quelque sorte en temps réel, et ça permet d'avoir des performances performante déportée sans pour autant devoir acheter un ordinateur, débourser des 1000 et des 100 pour un ordinateur que vous devez ensuite mettre à jour régulièrement en composant pour qu'il reste compatible avec les derniers jeux sortis. Alors Stadia, c'est Google qui avait donc créé ce service il y a quelques temps. C'est fini, voilà, clairement ça va s'arrêter. On l'a appris il y a quelques semaines, Google Stadia va se fermer, ça sera en janvier prochain. Voilà, c'est terminé pour Stadia. Vous pouvez encore pour l'instant jouer, mais le store a été fermé. Vous ne pouvez plus acheter de jeux afin d'éviter que ces jeux soient perdus, puisque pour la plupart, il y a une progression enregistrée sur le cloud en cross-platform et vous allez pouvoir récupérer quand même votre progression. Pour d'autres, ces jeux seront tout simplement perdus. Voilà, c'est ce que nous annonce Google dans sa FAQ que j'ai lu tout à l'heure. Stadia, le service, s'arrêtera le 18 janvier 2023. Voilà, tout simplement. Du côté de Nvidia, par contre, ça va très bien. Puisqu'ils améliorent leur service. L'année dernière, le service GeForce Now avait vu s'ouvrir une nouvelle offre d'abonnement, un palier RTX 3800, du nom de la carte graphique, qui est accessible pour 19,99€ par mois et qui permet de jouer en 4K jusqu'à 120 FPS sur des sessions de 8 heures. Aujourd'hui, cette formule va bénéficier d'une amélioration inédite pour les joueurs qui jouent par Google Chrome. Les titres du catalogue GeForce qui tournent actuellement à une définition maximale de 1440p pourront tourner en 1600p à 120 images par seconde très très bientôt. C'est ce qu'a souligné The Verge, qui sont journal propriétaire d'un MacBook Air 2020 M1 qui a pu jouer sans aucun problème en pleine résolution sans avoir à bidouiller les paramètres liés à la définition. Nouvelle définition donc qui s'applique aux presque 1400 jeux du catalogue GeForce Now. Et en octobre, de nouveaux jeux vont débarquer au sein de ce service de cloud gaming, notamment A Plague Tale Requiem, qui est très très attendu, nous dit-on, et aussi Scorn et de Guild Wars, nous a précisé clubit.com. Merci pour toutes ces informations à eux d'ailleurs, très très bon site d'info. Voilà pour ce point sur les actus du numérique. Dans un instant, les actus du sport. Les jingles ne veulent vraiment pas démarrer aujourd'hui. 10h midi, la tasse du week-end. Quitte à être à la fin de la musique, bah autant la mettre jusqu'à la fin. Voilà, il restait 3 secondes, comme ça fait une fin bien propre. On écoute les actus du sport dans un instant. Il y aura les Jackson 5 aussi, mais pour l'heure, c'est Amir avec Rétine. C'est parti de rien. À peine un regard échangé, On était deux étrangers qui se connaissaient bien. C'est parti de loin. Je ne voulais pas me dévoiler, mais ma pudeur tu l'as volée. Le ciel en est témoin. Combien de jours, combien de joies, c'est pas très grave si on ne sait pas. Puisqu'une seconde à tes côtés vaut bien des années. Combien de jours, combien de gens diront qu'on s'aime obstinément. Mais ça m'amuse, m'amuse, on n'est pas près de faner. Si dans ta rétine l'amour ne supporte plus la lumière du jour, je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours. Et toi tu pourras compter sur moi. Et ça finira jamais. Ça finira jamais. Ça finira jamais. Et ça finira jamais. Ça finira jamais. Ça finira jamais. Je sais qu'on se va bien. Comme lèvres douces et peau salée. Comme quand nos corps se laissent aller. L'océan est témoin. J'aime tes manies, notre magie. Ta façon d'être mon ami. Je suis pas superstitieux, mais t'es la chance de ma vie. Et si demain on n'avait plus rien, je te dirais pas adieu mais merci. D'avoir laissé dans mes tempêtes une belle éclaircie. Ta rétine, l'amour ne supporte plus la lumière du jour. Je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours. Et toi tu pourras compter sur moi. Et ça finira jamais. Ta rétine, l'amour ne supporte plus la lumière du jour. Je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours. Et toi, tu pourras compter sur moi. Merci d'écouter Radio Antigone et... Oh là là, pourquoi je parle trop vite aussi? Merci d'écouter Radio Antigone et Phil FM avec Amir et le titre Rétine, c'est ce que nous venons d'écouter. Et on passe aux actus du sport tout de suite. Les actus du sport. C'est avec aujourd'hui Julien Coquel-Rohem accompagné de Victor Missistrano. Bonjour à vous deux. Du football pour commencer en France, Victor, rien ne va plus pour Marseille, battu une troisième fois d'affilée en Ligue 1. Défaite de l'OM 1-0 à domicile face à Lens hier soir, les Marseillais avaient pourtant une occasion de remonter sur le podium. Résultat, les Saint-Étienne réalisent une belle opération en prenant leur distance avec leur adversaire du soir. Ils ont 4 points d'avance désormais sur Marseille. Lens l'a emporté grâce à un but de David Pereira da Costa plein de réussite, une frappe lointaine déviée par Leonardo Balerdi. Le milieu de terrain lensois ne l'a pas tout suite vue au fond des filets. On a vu en deuxième temps, Marseille était un peu fatigué. Ouais. Le coach, il a su nous donner les bons conseils avant qu'on rentre. Et nous, on a su appliquer ce que le coach nous a dit. Au début, je la vois, elle redescend. Je ne savais pas qu'elle allait toucher la barre et elle est rentrée. Mais aujourd'hui, on a été récompensé grâce à ça. Et maintenant, on est deuxième au classement. Et maintenant, il faut penser au prochain match, vendredi, face à Toulouse. On a un beau collectif. Il faut qu'on continue comme ça. David Pereira da Costa chez nos confrères de Prime Video au classement Lens monte même provisoirement à la deuxième place en attendant le déplacement de Lorient à 3 cet après-midi. En Angleterre, inquiétude justement pour un ancien Lensois, le défenseur de Manchester, Raphaël Varane, a quitté le terrain en larmes hier. À un mois de la Coupe du Monde, une mauvaise nouvelle, une de plus pour l'équipe de France. Varane, blessé à la cuisse, n'a pas terminé la rencontre entre Chelsea et Manchester United. Cela pourrait compromettre la participation du défenseur des Bleus à la Coupe du Monde. Le tournoi débute, on le rappelle, dans moins d'un mois. Raphaël Varane a donc été spectateur de la fin de ce match. C'était le choc de cette 13e journée de Premier League. Manchester United a arraché le match nul un partout. Les deux équipes longtemps dos à dos. Tout s'est accéléré en fin de partie. Chelsea pensait tenir son succès après un penalty de Jorginho à la 87e minute. Mais une tête de Casemiro a sauvé les Red Devils dans le temps additionnel. Malgré ce scénario, l'entraîneur des Blues, Graham Potter, se satisfait de ce résultat. Les garçons ont tout donné. C'était un match très disputé avec deux équipes combatives. Oui, c'était un vrai combat du début à la fin. Avec cette sensation d'être toujours un peu limite parce qu'il y a énormément de qualité en face. Il a donc fallu faire des ajustements. Je pense que ça a payé, surtout en première mi-temps. Je suis déçu, oui, de concéder le nul à la fin. Mais si on regarde le match dans son ensemble, c'est logique. L'entraîneur de Chelsea, Graham Potter. Dans les autres rencontres de ce samedi, Liverpool s'est incliné pour la 3e fois de la saison. Défaite 1-0 des Reds à Nottingham Forest. Manchester City a de son côté dominé Brighton 3-1 grâce à un doublé de l'inévitable Erling Haaland. Enfin, Arsenal, toujours leader, se déplace à Southampton cet après-midi. Coup d'envoi 13h, temps universel. Victor Missistrano, merci beaucoup. Merci également à vous, Julien Coquel-Roem. J'aime bien parce que vous avez dit ça. Du football pour commencer. Sauf que bah on a eu que du football. Très très bien. Merci à vous. Ça fait un long début. Le commencement est très long, dites donc. Allez, on passe au classique musical. Le classique de la case du week-end. Alors oui, ça va devenir le running gag. À chaque fois, je vais critiquer le fait que ça soit des actus du foot et pas des actus du sport. Vous allez me dire, t'as qu'à les faire toi-même tes actus du sport. Oui, mais c'est pire quand je les fais. Il y a plein de sports, certes, mais c'est un peu le bazar parce que je peux pas tout faire. Voilà. Alors, par contre, ce que je peux faire, c'est vous proposer un très très grand classique musical pour vous faire plaisir. Et ça, c'est ce qu'on va faire à 11h52. Voici les Jackson 5 tout de suite. Shake your body down to the ground. C'est tout de suite sur Phil. I don't know what's gonna happen to you, baby, but I do love that I love you. You walk around this town with your head all up in the sky, and I do love that I want you. Let's shout, shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shout, shake your body down to the ground. Oh, ça fait du bien ce titre, les Jackson 5, avec Shake Your Body Down to the Groove. Oh là là, ça fait du bien de se réécouter ça. Il est 11h56, voici les 4 dernières minutes de la case du week-end, qui sont composées de 2 chroniques. Oui, oui, oui, ça va être chaud. 2 chroniques plus une outro. Oh là là là là là là. Ouh. Radio Antigone, Phil FM. Les actus des médias. C'est pour cela que je fais une actu des médias très très simple, mais je suis capable de prendre des heures quand même pour ça, donc je vais aller vite, direction la radio et RTL, qui à partir du 1er janvier prochain, ne diffusera plus son signal en grande onde depuis son émetteur de Bettweiler au Luxembourg. La fréquence de 134 kHz qu'utilisait RTL, qui était la dernière grande station d'ailleurs historique à utiliser encore la diffusion en AM, hein, eh bien va s'arrêter, voilà. Lancée en 1930, la mesure doit permettre au groupe RTL de diminuer de 600 MWh sa consommation d'électricité par an, l'équivalent de 3000 personnes en France, ce qui a donc été annoncé la semaine dernière, hein, par RTL, fin d'RTL sur l'AM, voilà, tout simplement. Pour l'écouter, et ben c'est très simple. D'ailleurs, la station, d'ailleurs, qu'on nous annonce que dès lundi, la station va lancer un dispositif de communication pour accompagner ses auditeurs vers les autres moyens d'écoute. Je pense que vu le nombre de personnes qui écoutaient encore en AM, qui doit être quand même assez faible, je pense, ça devrait plutôt bien se passer. En tout cas, c'est très bien, hein, de rediriger les auditeurs. Je pense que c'est quand même une bonne chose, même s'il y en a encore que peu. Eh ben, c'est toujours ça. Au moins, ceux-ci ne seront pas dépaysés. On passe aux sorties cinéma pour un film. Les sorties cinéma. Oui, puisque clairement, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire plusieurs films. Voilà, hein, je suis désolé, ça va être très très juste. Voici, ce film qui se nomme Mon Pays Imaginaire. Et oui, et ce film, il a été nommé lors du Festival de Cannes. Bah oui, et oui, il a même... Est-ce que j'ai plus de détails? Il a été nommé et... est-ce que j'arrive à lire? Oui, sélection officielle, voilà, juste nommé. C'est un film qui se nomme donc, je vous l'ai dit, Mon Pays Imaginaire, de Patricio Guzman, octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion sociale. 1,5 million de personnes ont manifesté dans les rues de Santiago pour plus de démocratie, une vie plus digne, une meilleure éducation, un meilleur système de santé et une nouvelle constitution. Le Chili avait retrouvé sa mémoire, selon Patricio Guzman. Ce sont les paroles de Patricio Guzman, là, que je viens de vous lire. Et c'est ce qu'il retranscrit dans ce documentaire en salle dès ce mercredi, sélection officielle du Festival de Cannes 2022. En salle, donc, ce mercredi, film de Patricio Guzman, documentaire, 1h23. Voilà, je me répète, hein, je suis décidément très très mauvais dans cet exercice. Voilà pour ces sorties cinéma. La case du week-end. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, excusez-moi pour ce petit blanc. J'espère qu'elle vous a plu, le démarrage a été dur, la fin aussi, mais j'espère qu'elle vous a quand même plu. On se donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle émission. La semaine prochaine, il y aura peut-être des émissions enregistrées, car ce sont les vacances, mais on reviendra en direct très très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, voici le Radio Journal, il est midi. Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.